le journal. Retrouvez Philippe Dornier pour son sujet d'aujourd'hui sur la réforme du collège. Elle entre en vigueur à l'occasion de cette rentrée 2016-2017. Avec les changements, les travaux de groupe qui croisent les disciplines, une seconde langue vivante dès la cinquième, le latin, le grec intégré au cours de français. On en parle avec Philippe Dornier. Les questions, les réactions 02 62 99 2000. Bon appétit à tous. Il est midi sur la première. Le journal, Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Dring, c'est la rentrée. Les sonneries ont retenti ce matin dans les écoles, collèges et lycées de Lille. Une rentrée marquée notamment par l'entrée en vigueur de la réforme des collèges. La fin de l'école le samedi matin dans le département avec l'alignement des rythmes scolaires dans les 24 communes de la Réunion. Et aussi des mesures de sécurité renforcées dans tous les établissements scolaires pour faire face à la menace terroriste. Eux ont encore un peu de vacances, mais la rentrée des étudiants sera un peu particulière puisque l'Université de la Réunion n'a plus de président depuis le mois dernier. Explication dans ce journal. Dans cette édition, nous parlerons aussi du nouveau magazine du mercredi sur Réunion Première Radio, dans les coulisses de un reportage en immersion de 40 minutes qui démarre ce soir à 18h15 avec un sujet dans le vent, la rentrée scolaire, un premier numéro qui est signé Olivier de la Richaudie. Nous entendrons un extrait. Bienvenue sur Réunion Première. À l'occasion de cette rentrée scolaire, nous sommes partis ce matin à Sainte-Suzanne, où c'est une première dans notre île. Une classe dite 10 doit être construite au sein de l'école. Actuellement, les 7 élèves présentant des troubles 10, dyslexie pour la lecture ou dysphasie pour le parler, par exemple, travaillent de façon transitoire dans les bureaux de la psychologue et de l'enseignante spécialisée au sein de cette école du centre-ville de Sainte-Suzanne. Du coup, ils ont à proximité l'orthophoniste, l'ergothérapeute ou la psychomotricienne. Avant, ils étaient obligés de se rendre 4 fois par semaine au centre médico-psychopédagogique de leur arrondissement pour revenir ensuite à l'école. Ce matin, c'était donc la rentrée pour les garçons de cette classe. Pour cette demi-journée de prise de contact, ils avaient le choix entre la course de petits chevaux et les futurs locaux seront mis à disposition de ces élèves. 10 seront disponibles à la rentrée 2018. Le coût des travaux est estimé à 100 000 euros. Cette année scolaire 2016-2017 est marquée par l'entrée en vigueur de la réforme des collèges. Loin de faire l'unanimité, cette réforme en préparation depuis un an a déjà donné lieu à plusieurs journées de mobilisation d'enseignants et une autre est annoncée pour le 8 septembre prochain. La réforme des collèges, on en reparle à la fin de ce journal sur Réunion Première Radio. Dans votre émission C'est dans l'actu, Philippe Dornier recevra Jérôme Mottet, le vice-président académique du SNALC, un syndicat opposé à la réforme, et Jonathan Selambarom, chargé de la communication au SGEN-CFDT, syndicat défenseur de cette réforme. Nous attendons vos questions et vos réactions par téléphone au 02 62 99 2000 ou bien par SMS au 0692 70 2000 et bien sûr via les réseaux sociaux. La rentrée à La Réunion est aussi celle de l'alignement des rythmes. Tous les marmailles de Lille ont désormais cours le mercredi matin et bénéficient donc de 2 jours de repos le week-end. L'an dernier, les élèves de Saint-André, Saint-Denis et Sainte-Suzanne allaient encore en classe le samedi matin. Un choix qui a été effectué sous la pression des parents. Spécialiste des rythmes scolaires, le pédiatre Michel Turquet affirme que le mercredi travaillé n'est pas adapté au rythme des enfants. Selon lui, les parents doivent s'attendre à ce que leurs enfants soient plus fatigués. Les parents sont responsables, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Il est certain que la coupure du mercredi est une très bonne coupure, qu'elle se trouve au milieu de la semaine. Les enfants peuvent bien récupérer. Ils ont la nuit du mardi au mercredi qui est une très bonne nuit de sommeil. La coupure du mercredi, là je persiste à le dire, est une bonne coupure. C'est un jour où les enfants peuvent avoir d'autres activités, des activités sportives, culturelles, bien réparties dans la journée. Alors qu'actuellement, ces activités, disons, périscolaires ou extrascolaires, elles sont bloquées le soir après l'école à des heures où les enfants sont déjà fatigués par l'école. Donc ça, c'est pas logique. Le pédiatre Michel Turquet était au micro aux réunions premières de Daniel d'Ambreville à Saint-André. Ce changement de rythme scolaire n'est pas l'unique nouveauté de cette rentrée des classes. La mairie a décidé cette année d'accentuer la présence du numérique dans les écoles afin de permettre une approche personnalisée et progressive des fondamentaux de l'éducation et ainsi de lutter contre les inégalités sociales. Et ce n'est pas tout. Le point sur ces nouveautés avec Nadège Cantalia-Tegali, adjointe au maire de Saint-André, déléguée à l'éducation et à la réussite administrative. Elle est avec Joanne Adama Dorassi. Il y a l'université numérique qui va s'installer sur la ville de Saint-André en septembre. Nous avons voulu donc intégrer le numérique dans toutes nos actions éducatives. Donc par exemple, sur la pause méridienne, il y aura Simplon qui va proposer des ateliers du lire, écrire et coder donc sur 15 de nos écoles. Ensuite, donc, nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour assurer la lecture publique numérique dans les écoles à partir d'octobre. Et enfin, le plan savoir nager. Donc faire en sorte que tous les élèves de CM2 entrant en 6e puissent savoir nager. Midi 5 sur Réunion Première, la suite du journal, Antoine Garnier. Mobilisation de jeunes enseignants ce matin devant le rectorat. Une dizaine de personnes manifestaient de nouveau leur mécontentement après leur nomination dans des établissements de métropole pour la rentrée. L'incompréhension est d'autant plus grande que dans certaines matières, des contractuels vont être employés, alors que ceux qui ont réussi le concours à La Réunion doivent partir enseigner dans des académies de France hexagonale. Le secrétaire général de l'académie, Francis von der Flick, les a rencontrés devant le rectorat. Il a tenté une nouvelle fois de leur expliquer que la répartition des postes ne dépendait pas de La Réunion. Ça peut être aberrant, c'est ce système qui est... Vous savez que vous passez un concours national. Et donc à partir du moment où on parle de concours national, la répartition est nationale. C'est ça qui est difficile à comprendre. Mais sur le second degré, on n'ouvre pas les postes en fonction des besoins de l'académie, on ouvre des postes en fonction des disciplines. Chacun, vous avez passé un concours ou chacune dans une discipline. Cette ouverture de poste, elle est nationale. Alors, je ne veux pas me cacher derrière ça. C'est vrai que c'est national, c'est une gestion. Par exemple, on sait que sur certaines disciplines comme les mathématiques, on pourra avoir 100 lauréats de concours chez nous, les meilleurs au niveau national. Ils ne resteraient pas tous dans l'académie parce que la répartition est nationale. Et c'est comme ça que ça se passe. Des propos recueillis par Gaëlle Le Dantec, et comme chaque année, l'éducation nationale devrait étudier au cas par cas les recours des enseignants en attendant peut-être un jour un concours régional pour les enseignants du second degré, comme il en existe un pour les professeurs des écoles. Je vous le disais en titre, compte tenu de la menace terroriste, cette année scolaire est placée sous le signe de la sécurité. Une circulaire publiée fin juillet par les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation nationale amène les pouvoirs publics à placer les établissements scolaires sous bonne garde. L'idée n'est évidemment pas de créer des inquiétudes, mais bien de prévenir le risque. Les explications de Jean-François Lebon, le directeur départemental de la sécurité publique, est au micro Réunion Première de Nadine Bachelot. Concrètement, nous serons présents aux abords des établissements scolaires de façon soutenue et nous serons vigilants sur les éventuels incidents qui pourraient se produire. Dans le deuxième temps, nous serons également présents sur le registre de la prévention et donc de l'information, aussi bien des chefs d'établissement que des jeunes scolarisés. Et enfin, troisième volet, la sûreté, car comme vous le savez, les sites et leurs structures participent également de la sécurité. Depuis fort longtemps, nous avons des référents scolaires qui travaillent sur bien des domaines, les incivilités, les violences, le racket ou encore la cybercriminalité. Aujourd'hui, il y a un champ nouveau qui doit être appréhendé. C'est celui de la sécurité liée à des possibilités ou à des risques suivant une circulaire interministérielle qui nous demande d'être plus présents pour sécuriser davantage les établissements scolaires. La France est exposée à un terrorisme international. On ne peut pas aujourd'hui exclure une probabilité qui est certaine. C'est ce qu'on appelle le principe de réalité. Nous adoptons une posture qui voudra prévenir le risque. Dans l'actualité judiciaire, en bref, la remise en liberté hier d'Augustin Valencourt, le présumé gourou de la secte Marie Porte du Ciel, est accusé d'avoir récolté plus de 3 millions d'euros grâce à son groupe de prière installé au tampon. Il était en détention provisoire depuis sa mise en examen. Il attendra donc son procès en liberté. Lui doit être jugé aujourd'hui en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour des violences. Le jeune portois, soupçonné d'avoir participé à l'agression à coups de galet d'un vendeur de poulet dimanche au port, il avait été interpellé peu de temps après. Deux autres suspects s'étaient ensuite présentés à la police, mais ils ont été remis en liberté. Les étudiants sont encore en vacances, mais eux aussi feront bientôt leur rentrée à la fac. Les premiers cours auront lieu dès lundi prochain, dans un contexte un peu particulier cette année, puisque l'Université de La Réunion n'a plus de président depuis le 1er juillet. Le dernier scrutin n'avait en effet pas permis de désigner le successeur de Mohamed Rochdi, qui ne souhaitait pas se lancer dans un nouveau mandat. Une nouvelle élection sera organisée le 8 septembre. Les explications de Gaëlle Le Dantec. Un nouvel appel à candidature a été lancé. Les prétendants à la présidence de l'université ont jusqu'au 30 août pour se faire connaître. Le 1er juillet dernier, après 3 tours de scrutin, aucun des candidats n'avait obtenu la majorité absolue des voix du conseil d'administration de l'université. Le blocage s'était soldé par la nomination d'un administrateur provisoire. C'est donc Frédéric Cadet, ancien recteur, ancien président d'université, qui assure la gestion des affaires courantes et notamment l'organisation de cette rentrée. Lors du dernier scrutin, ils étaient 3 à vouloir succéder à Mohamed Rochdi. Gilles Lajoie avait obtenu 17 voix, Jean-Pierre Chabria 16 et Frédéric Miranville 3. Aucun n'avait voulu se retirer, aucun n'avait donc réuni les 19 voix nécessaires. Les membres du conseil d'administration se réuniront donc à nouveau pour voter le 8 septembre. On verra alors si les vacances ont permis de débloquer la situation. Gaël Le Dantec, on parle maintenant de la grande nouveauté de cette grille de rentrée sur Réunion Première Radio, dans les coulisses de un magazine de la rédaction à découvrir chaque mercredi à 18h15. Nous sommes sur le terrain au plus près de l'information dans un format plus long pour être à votre écoute. Et ce soir, actualité oblige, nous inaugurons ce programme dans les coulisses de la rentrée. Achat, rénovation, révision, Olivier de la Richaudie a fait ses devoirs de vacances pour préparer sa rentrée. On écoute tout de suite un extrait avec des jeunes pousses dont la valeur n'attend pas le nombre des années. Voici l'histoire de deux lutins nommés Pépin et Colinette. Ils habitaient... Eux aussi ont décidé de prendre de l'avance sur leur nouvelle année scolaire. À 2 semaines de la rentrée à Saint-André, une trentaine de marmailles enfilent leur cartable et retrouvent le chemin du centre de soutien scolaire situé dans le quartier de Mille-Roches. Ce matin, une poignée de petits garçons et de petites filles âgées de 4 à 8 ans sont venus réviser les fondamentaux de la lecture avec Geneviève, la dame des cours comme ils l'appellent. La réponse se trouve où ? La réponse se trouve... Dans le texte. Dans le texte et c'est... Vous relisez le texte dans votre tête et vous essayez de répondre à la question « Qui est sage comme une image ?» Et on fait une phrase-réponse. On n'oublie pas la majuscule et le David point. David est sage comme une image. Vas-y, Moutou. Donc vous avez entendu la réponse ? David est sage comme une image. Allez-y. Rédiger la phrase. Là, il faut jongler entre les élèves qui écoutent et ceux qui n'écoutent pas. Voilà un extrait du magazine de la rédaction dans les coulisses de la rentrée. En l'occurrence, ce sera diffusé ce soir à 18h15 sur Réunion Première Radio. Un reportage signé Olivier de la Richaudie. En bref, en sport, au programme des Jeux Olympiques de Rio aujourd'hui, il y a notamment du handball. Daniel Narcisse et ses coéquipiers de l'équipe de France joueront le quart de finale face au Brésil. Et également en athlétisme à suivre, Cindy Billot, la réunionnaise qui s'est qualifiée hier pour les demi-finales du 100 mètres haies. Il est 12h12 sur Réunion Première. C'est la fin de cette édition. Et Ingrid et Philippe Dornier prennent place dans le studio. Bonjour à tous les deux. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Bonjour Antoine. C'est dans l'actu, sera consacré dans un instant à l'un des sujets les plus houleux de cette rentrée scolaire, la mise en place de la réforme du collège. Et le débat s'annonce animé, Philippe, puisque vous recevez deux syndicalistes dont les avis sur cette réforme sont opposés. Jonathan Selambarom du SGEN CFDT, il est pour, et Jérôme Mottet du SNALC, lui, est contre. Quels sont les sujets qui les divisent, les points qui fâchent? On voit ça dans 2 minutes avec nos invités. Donc, et puis, vous pouvez réagir, hein, bien sûr, comme chaque jour, au 02 62 99 2000. Dès maintenant, allez, un coup d'œil vers le ciel. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Cet après-midi, quelques débordements nuageux seront visibles entre Saint-Paul et la Grande Chaloupe et ceux-ci pourront provoquer de toutes petites averses à mi-hauteur, mais bien, rien de bien méchant. Dans l'Est, les cirques éclaircies et nuages se partagent le ciel plutôt équitablement et la Lysée est toujours bien marquée avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h sur les côtes sud-ouest et nord-est. Le long des plages de l'ouest, le vent tournera au sud avec des rafales de 30 à 40 km/h. La mer est agitée à fort au vent et au déferlement de la houle d'Alizé dans l'est et dans le sud. Partout ailleurs, la mer est peu agitée. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Tu es étudiant, jeune actif? Tu cherches un stage, une formation, un emploi, une bourse, un logement? Tu veux te faire un réseau? Toutes les réponses à tes questions sont au Campus Outre-mer, le 3 septembre de 10h à 22h, dans le jardin du ministère des Outre-mer à Paris, avec le village, les ateliers, le prix des 3 océans et le concert. Samedi 3 septembre, tous au ministère des Outre-mer. Plus d'infos et inscriptions obligatoires sur www.campusoutremer.org. Première. Première. Midi et 15 minutes sur Réunion Première. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier et ses invités. Un débat qui porte ce midi sur la réforme des collèges. Depuis le temps qu'on en parlait, ça y est, elle entre en vigueur avec la rentrée scolaire. Les collégiens découvrent la réforme qui va bouleverser leurs habitudes et celles de leurs profs. Des changements à plusieurs niveaux et qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive pendant de longs mois, notamment au sujet des fameux EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires, des travaux de groupe pour plancher sur plusieurs facettes d'un même sujet à travers différentes disciplines. Problème, selon les opposants à la réforme, ce sera au détriment des matières fondamentales. Moins d'heures de cours pour les maths ou le français pour créer les EPI. Même principe pour l'accompagnement personnalisé qui va se développer. Il y a aussi la généralisation de la seconde langue vivante dès la cinquième. En contrepartie, les classes bilingues disparaissent dans certains établissements. Et puis, le latin et le grec sont intégrés au cours de français, ce qui là aussi ne fait pas franchement l'unanimité. Cette réforme va-t-elle vraiment aider les élèves à progresser? L'interdisciplinarité doit-elle rester une option? Généraliser l'apprentissage de l'allemand, est-ce une bonne idée? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. Avec vos appels au 02 62 99 2000, par SMS, je le rappelle, nouveau numéro 06 92 70 2000, et puis les réseaux sociaux, la page Facebook, c'est dans l'actu, et le hashtag CDLAPremière pour Twitter. En studio, un opposant à la réforme du collège, Jérôme Mottet, bonjour. Bonjour. Vice-président académique du SNALC, et un partisan de cette réforme, Jonathan Selambarum, bonjour. Bonjour. Chargé de communication au SGEN CFDT. Alors, la preuve que l'incendie provoqué par la réforme du collège n'est pas complètement éteint, c'est la journée d'action organisée le 8 septembre par la FSU. Marie-Hélène Dor l'a annoncé hier sur Réunion Première. Vous qui combattez cette réforme, Jérôme Mottet, est-ce que le SNALC va s'associer à cette mobilisation? Alors pour l'instant, on ne s'y associe pas. On attend encore de voir les directives nationales. Nous pensons qu'il y a énormément d'autres moyens d'action contre cette réforme, notamment la combattre de l'intérieur. On a créé, nous, un projet de réforme du collège modulaire qui prenne en compte l'homogénéité des classes et l'hétérogénéité, et non ce dogmatisme sur l'hétérogénéité des classes qui suppose de tuer tout ce qui réussit à l'heure actuelle pour les élèves. Et nous avons proposé une moyen de la combattre de l'intérieur, parce que la liberté pédagogique des enseignants, ça existe. Et la liberté aussi d'action au sein d'un conseil d'administration et des moyens, de répartition des moyens d'une dotation globale par établissement, ça existe aussi. Donc de toute façon, on est vent debout contre cette réforme, mais de l'intérieur. Et aussi, nous verrons cette année des actions, éventuellement le brevet des collèges. Enfin, nous ne savons pas exactement vers où nous allons aller, mais nous sommes en discussion à l'heure actuelle. Ça veut dire que vous pouvez bloquer le fonctionnement de ces cours communs, par exemple ? Eh bien, ces cours communs, on ne peut pas les bloquer parce que de toute façon, c'est une supercherie. Ils sont pris sur les temps de cours des enseignements actuels. Mais ils sont prévus quand même. Moi, je suis un professeur de LV2. On m'a supprimé mes heures en européenne. J'avais 5 heures, je passe à 2h30, alors que le minimum avec des classes avant, c'était 3 heures. Et sur ces 2h30, je vais devoir mettre 2 heures d'EPI, enseignement interdisciplinaire et d'AP. Donc, si vous voulez, si moi, j'essaye la mission de tout enseignant, c'est quand même de faire réussir ses élèves et de tout faire pour. Alors, ces EPI et cet AP étant dans le temps scolaire, donc vous voyez, la grande supercherie, c'est là, on a supprimé tout ça pour ça. Donc, moi, je considère que je vais faire mon travail. Alors, bien sûr, je suis très inquiet, mes collègues le sont, j'ai des remontées quotidiennes de collègues, qu'est-ce qu'on va faire avec ces fameux EPI? Est-ce qu'on va faire des éoliennes avec des sèches-cheveux? Est-ce qu'on va faire Madame Bovary qui mangeait bio alors qu'on sait bien qu'elle s'est suicidée, hein, par rapport à ça? Est-ce qu'on va faire Claude François et l'électricité, ce qui était sorti dans des manuels quand même cette année, hein, qui a été fait en toute précipitation? Bon, c'est pas sérieux pour nous, et nous considérons et nous incitons les enseignants, nous les appelons à ne pas suivre ces gadgets pédagogistes qui n'ont pour but que de déguiser le retrait des moyens à l'éducation nationale. Comme par hasard, on ne parle jamais du privé, vous savez, hein, on nous parle de sélection dans le public, soi-disant, hein, sélection honteuse des classes européennes, alors qu'à La Réunion, moi je travaille dans un collège du tampon, mes élèves sont loin d'être des élèves qui sont énarques, hein, issus de milieux énarques, mais bon, on nous a caricaturé comme ça les classes européennes et latinistes. Et vous avez donc Au contraire, la sélection, elle va se faire parce qu'il n'y aura plus de mixité sociale. Les élèves vont tous aller dans le privé. Alors, supercherie, gadget, tuer tout ce qui réussit, ça démarre très fort. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça, Jonathan Selambarom, vous qui défendez la réforme, pourquoi elle vous semble nécessaire ? Alors, tout d'abord, la réforme s'appuie sur des constats forts, hein, notamment l'augmentation du taux d'élèves en difficulté au collège, le manque de sens pour les élèves aussi, mais aussi, en parallèle, ces derniers temps, on a parlé d'illettrisme. Il y a de plus en plus de jeunes qui sortent du système éducatif illettrés, il y a de plus en plus de jeunes qui sortent du système sans diplôme. Bizarrement, si le collège fonctionne jusqu'à maintenant, l'augmentation parallèle de ces élèves en difficulté ou sans diplôme nous montre l'inverse. Déjà, il y a quelque chose à faire. On est pour une réforme du collège, on la soutient encore, cette réforme, mais pas sous cette forme. C'est-à-dire cette forme actuelle, précipitée, où là je vais rejoindre Jérôme Mottet, précipitée, où on a dit on réforme, mais on fait tout. On fait tout. C'est-à-dire, on fait le fond, on fait la forme, on fait tout d'un coup. Donc, ça a précipité, ça a créé des tensions chez les enseignants. Précipité, ça fait quand même plus d'un an qu'on en parle de cette réforme du collège. Est-ce que travailler sur un an, c'est précipiter Mais ça? Changer structurellement le collège, ça prend plus qu'un an. Je pense que la réforme, nous, le SGAN-CFDT, ce qu'on avait proposé aussi, c'est de la faire de manière échelonnée. De prendre le temps, de faire des choses dans pas d'imprécipitation, de commencer sur un niveau ou deux niveaux et d'y aller progressivement. Les EPI, pour nous, c'est une forme d'apprentissage, d'une forme d'enseignement qui va dans la progression, l'évolution de la société. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui rentrent au collège et qui ne savent même pas, arriver en troisième, qu'on pose la question « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Ils n'ont pas de sens là-dedans. Ils ne voient pas à quoi sert le collège. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment d'utiliser ces EPI pour accrocher les savoirs, comme on dit, savants, à des savoirs professionnels, des savoirs de vie, et que ça serve aux futurs citoyens. Parce que le futur citoyen, il a évolué. C'est plus le citoyen des années 60, de 80, et le citoyen des années 2000. Il a d'autres ambitions. Il a de nouveautés. On a le numérique. On a les problématiques. On a les problématiques actuelles avec tout ce qui est les attentats et tout ça. Donc faut préparer ces citoyens. Et je pense que raccrocher l'école à la vie, c'est une nécessité. D'accord. Le fait que Jérôme Mottet vous dise on tue tout ce qui réussit, qu'est-ce que ça vous inspire, vous ? Non, on ne tue pas tout ce qui réussit. Déjà, il n'y a pas de grande réussite si on regarde les chiffres, malheureusement. Hein. Même si on a eu une foison de mention au bac là, récemment, mais la réussite, la pente est descendante plus ou moins à l'heure actuelle. On ne tue pas. On rajoute des dispositifs qui permettent, et on modifie les dispositifs actuels en mettant par exemple l'accompagnement personnalisé pour permettre aux élèves, notamment par exemple de 6e, de se préparer au collège, c'est-à-dire d'avoir des méthodologies. Et le plus important à l'école, dans le socle commun, c'est l'apprendre à apprendre. Donc on prépare ces élèves à apprendre, c'est-à-dire qu'on a fait le constat que l'école ne peut pas tout donner. Puis dans le cycle 4, c'est-à-dire 5e, 4e, 3e, l'accompagnement personnalisé sera là pour préparer ces élèves à être des futurs lycéens. Futurs lycéens, c'est-à-dire des jeunes, des ados et des adultes capables de faire des choix et pas arriver au bac en se disant « mais qu'est-ce que je fais plus tard ? Je me rue à la fac et c'est tout ». Donc c'est vraiment, on a raccroché l'école à un parcours de vie. Et on parle beaucoup de parcours éducatif, parcours culturel, tous ces parcours qui assomment beaucoup de collègues malheureusement, mais qui sont une réalité, c'est de faire de l'école un vrai parcours de vie. Et ça, c'est très difficile pour beaucoup de collègues d'entendre ça. Je rappelle nos coordonnées, 02 62 99 2000 et puis 06 92 70 2000 pour les textos. Jérôme Mottet. Avant tout, je m'étonne de voir que le SGAN opportunément a changé de position, enfin a changé, légèrement modifié sa position du début à maintenant, parce que maintenant, semble-t-il, la réforme de collège n'aurait pas dû se mettre de façon si précipitée. En effet, un scandale. Précipité, sans cohorte, on n'a jamais mis en place une réforme face à des élèves qui vont passer de 4e par exemple avec 5 heures d'allemand ou de chinois ou d'espagnol, à 2h30 l'année prochaine en 3e, qui vont être mélangés avec les autres élèves, parce que ça a été une lutte aussi qu'on a fait cette année pour faire respecter quand même au moins un peu de logique, c'est-à-dire une continuité d'apprentissage, qu'on garde ces élèves au moins dans des groupes, parce que bon, c'est des systèmes, ces élèves-là vont perdre. Vous parlez de horaires. Quels élèves là en particulier? Les élèves qui étaient en européenne, par d'accord. exemple, bilingues en européenne. Les latinistes, ils perdent la moitié de leur quota horaire à peu près. Hein. Et donc ces élèves-là, pareil, on se bat aussi pour qu'ils restent dans les classes. Donc tout ça est perdu. Alors chaque fois, on nous dit oui, ça concerne soi-disant un petit nombre d'élèves. Hein. une vingtaine de pourcents pour les latinistes, 19% à peu près, bon, 17% pour les européennes, les bilangues, etc. Mais quand vous additionnez tous ces pourcentages, ça donne quand même une bonne partie du collège qui proposait quand même de la diversité. Alors, il avait un échec. Et là, on partage juste le constat de l'échec, que les élèves qui sortaient qui arrivaient au collège avec de l'échec en français, c'est 15% d'élèves, par exemple, qui ne maîtrisaient pas le français. Moi, c'est l'étude qui est sortie il y a quelques jours. Ne maîtrisaient toujours pas le français en troisième. Mais ça, attention, je ne crois pas que le SGEN combatte la loi du redoublement interdit, les groupes de niveau qui permettraient à certains élèves qui sont en retard de récupérer les renforts. Parce que je vois que vous soutenez, par exemple, l'AP, l'accompagnement personnalisé, alors qu'il n'est absolument pas personnalisé, parce qu'il est en classe entière. Il va lui aussi grignoter sur les savoirs dont ont cruellement besoin nos élèves réunionnais à l'entrée en sixième, parce qu'ils sont passés parfois, sans maîtriser les fondamentaux. Et ces élèves vont avoir de l'AP, donc de l'apprendre à apprendre, hein, qui est rien de nouveau. On entend ça depuis 1975 et le collège unique. Mais là, on est tombé avec l'accord du SGEN, hein, je suis désolé de le dire, dans le collège unique, dans les lois du collège unique de Jospin, que l'élève au centre du système, des programmes qui ne regardent que les compétences, une mise en place du collège sans regarder tout ce que perdent les élèves et les fameuses EPI, alors que tous les spécialistes quand même s'accordent à dire que l'interdisciplinarité se fait déjà quand même. À l'heure actuelle, il est inévitable, hein, de faire de l'interdisciplinarité dans une discipline en travaillant avec les autres quand même. Je suis professeur de langue, c'est obligé qu'on le fasse. Vous entendez parler, je crois, sur votre radio de l'armée invincible, je crois que c'était chez vous. Eh bien ça, par exemple, en anglais, en espagnol, vous le faites facilement, et c'est deux disciplines. Vous voyez, bon, et en histoire, et vous mêlez l'histoire, bien sûr, trois disciplines, on n'a pas attendu des choses comme ça, des prétextes pour perdre nos disciplines. C'est pour ça que nous, on est vraiment opposés à cette réforme. Jonathan Selambarom, on nous vend quelque chose de nouveau alors que ça existe déjà, l'interdisciplinarité, qu'est-ce qu'il va y avoir vraiment d'innovant là ? Alors, il faut savoir que toute réforme ne sort pas d'un chapeau. Ça s'appuie sur des pratiques reconnues. Ces pratiques qui ont porté ses fruits dans des collèges de différentes parties de la métropole ou de la Réunion. Donc, c'est vraiment utiliser ce qui fonctionne et de la mettre au goût du jour et essayer de la répandre un peu partout. Cette réforme, comme je disais Jérôme Mottet, va être des gadgets pédagogiques et va mettre l'apprendre à apprendre en sixième. Je suis pas d'accord parce que l'apprendre à apprendre en sixième, c'est vrai qu'on le fait depuis toujours, sauf qu'on a reformé l'école primaire. On est en cycle 1, le cycle 2 c'est CM1, CM2, sixième. Donc la réforme s'appuie sur la notion de temps, c'est-à-dire le redoublement n'a même plus lieu. Au final, parce qu'un élève, il doit avoir 3 ans pour acquérir tout un programme. Donc, à partir de là, il n'y a plus nécessité qu'un élève redouble. L'accompagnement éducatif viendra renforcer justement l'acquisition de savoir. Et en parallèle, on a aussi occulté la notion de programme. Les programmes ont été refaits, réécrits. Ils sont plus légers, mais les programmes ne sont plus prescriptifs. C'est-à-dire, ils ne sont plus faits pour ce que l'enseignant doit faire en classe, mais c'est ce que les élèves doivent apprendre. Donc, la notion de programme a été modifiée de sa définition. Donc, quand on va prendre le programme, ou un parent va prendre le programme chez Duscol, il le télécharge, il va savoir ce que son enfant doit savoir en fin de cycle 3. C'est-à-dire en sixième, ou en fin de cycle 4, en troisième. Donc là-dessus, il y a plus de transparence pour les parents, il y a de la transparence pour les enseignants, mais aussi il y a des enseignants qui ont peur, parce que c'est, pour une fois, on n'a plus de directive, c'est une liberté totale dans nos programmes, on choisit. Mais ça veut dire que les profs, ils ont peur de se prendre en main, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Mais quelque part, s'il y a des réticences, je pense que pour certains syndicats opposés, oui. Ben, ne plus avoir de directive, ça fait peur. C'est-à-dire d'être maître de son enseignement et de l'adapter à son collège, de l'adapter à ses élèves. C'est-à-dire, ce que moi je vais faire à Sainte-Suzanne, à Hippolyte Fouque, mon EPS, parce que je suis prof d'EPS, que je vais faire, ne va pas ressembler, ne doit surtout pas ressembler à l'EPS de Paul Hermann à Saint-Pierre. Nous, on a des élèves différents, on a des environnements différents, donc l'inspecteur qui viendra me voir, il devra voir une pratique adaptée aux besoins de mes élèves. Donc, le prof, il n'est plus simplement applicateur de programme, jusqu'à maintenant. Non, on était réduit à ça. Il va devenir vraiment un réel concepteur, catégorie A, de son enseignement, de sa démarche avec ses collègues. Et qu'est-ce que vous allez répondre à ceux qui pourraient critiquer une forme d'inégalité, du coup, entre établissements ? Ouais, je pense que l'inégalité, il n'y aura pas, parce qu'au final, le point commun, ce sera les programmes et le socle commun. Donc, tous les élèves doivent tendre vers un objectif final qui est la maîtrise du socle. en fin de troisième. Donc, cette disparité ou ces divergences qu'on aura au niveau, différences d'enseignement au niveau des collèges, amèneront au résultat final, c'est-à-dire la maîtrise des cinq piliers du socle commun. Vous êtes d'accord avec ça, Jérôme Mottet ? Absolument pas, bien entendu pas. D'ailleurs, si vous regardez les cinq piliers du socle commun, parfois il y a des choses qui vous font bondir de rage quand vous entendez ce qu'on attend d'un élève et ce qu'on n'attend pas d'un enseignant, parce qu'on considère qu'il ne faut rien attendre de l'enseignant, qui doit s'adapter constamment aux élèves. Bon, moi je demande un cadrage national des programmes, c'est la moindre des choses, pour qu'il n'y ait pas des enseignements à plusieurs vitesses. Ça existe déjà ça, le cadrage national, non ? Ben oui, mais là il n'existe plus, comme vous avez expliqué. Et là, je le rejoins, pas dans sa position, mais les programmes sont de plus en plus vagues, c'est ce que me rappelle M. Lusseau sur Eduscol. Ils ne doivent plus donner de repères, il n'y a plus de repères, il n'y a que des choses extrêmement vagues. Et vous avez vu un peu l'intitulé des épis, l'intitulé des programmes, c'est quand même impressionnant. C'est pas que les professeurs ont peur, ce sont des concepteurs de programmes, mais qui veulent quand même que s'ils passent d'un collège à l'autre, il y ait quand même des points de référence et des mêmes objectifs en termes de connaissances et de savoir. Là, on ne parle que de compétences. Et voilà, vous avez entendu la réponse de monsieur, c'est la maîtrise du socle. Alors, avec ça, on va loin. Et puis bon, quand on me dit qu'on s'adapte à ce qui avait marché dans le passé, j'ai entendu parler de l'interdisciplinarité. Alors, il y avait des IDD qui donnaient 2 heures en quatrième et 2 heures en cinquième, jusqu'à présent, jusqu'à 2016, hein, jusqu'à cette rentrée. Eh bien, ces 2 heures ont été supprimées, d'accord, ce qui marche, donc, selon ce que j'entends. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu de bilan de ce qui se faisait en IDD précédemment. IDD, c'est-à-dire itinéraire de découverte, pardon, et qui avait été justement repris pour faire plein d'autres actions, de soutien notamment des élèves en difficulté, ces fameuses heures, mais qui étaient restées, qui sont supprimées à la rentrée 2016. Et il n'y a jamais eu, par l'inspection générale, de bilan, parce que les élèves ne s'intéressaient pas à ce genre de travaux. Pourtant, ils étaient faits en heures supplémentaires. Hein. Ils n'étaient pas faits sur le temps scolaire, eux. Ils ne s'intéressaient pas, ils avaient du mal à rendre ça sérieux. C'est pas en passant sa vie à faire de l'école une garderie, soi-disant un lieu d'amusement, où tout le monde doit, soi-disant, essayer d'avoir telle ou telle compétence, qu'on va donner les savoirs nécessaires à nos élèves pour s'en sortir dans la vie. Mais est-ce que ce n'est pas nécessaire de rendre les matières plus attractives, plus concrètes pour les élèves ? C'est pas ça le but des EPI ? Je vous rassure, dans notre formation d'enseignants, on passe notre vie à essayer de rendre notre matière attractive. Vous savez, c'est même le début hein, de notre travail, c'est d'essayer de les rendre très attractifs. Juste un chiffre hein, pour vous dire, de 1975 à nos jours, j'entendais parler de tout ce qui marchait avant, de 1975 à nos jours, c'était le début du collège unique, on a perdu 900 heures en français. Hein, et on passe à l'heure actuelle en 6e, on était à 6 heures et à la rentrée prochaine, 4h30 en français, en 6e, desquels il faudra retirer une heure d'AP. Donc vous voyez un peu quelle est la vision de cette réforme, c'est-à-dire qu'on continue à saper les heures d'enseignement, bon, sans parler du latin dont on a fait une lamentable caricature. Alors je voudrais qu'on reste peut-être là-dessus, justement sur le latin et le grec. Les opposants à la réforme, comme vous Jérôme Mottet, parlent d'affaiblissement de ces deux matières qui vont être enseignées désormais, Jonathan Selenbarum, à travers les EPI et puis être intégrées aux cours de français pour ce qui est des éléments fondamentaux, des apports du latin et du grec à la langue française. Est-ce que vous rejoignez cette analyse qu'on mettrait de côté le grec et le latin ? On a toujours mis de côté le grec et le latin. Il y a des collèges qui n'ont jamais fait de grec et latin. C'est bizarre de le dire, de dire ça, que tous les collèges ont fait grec et latin. J'ai été d'un collège au port, j'ai jamais vu de prof de grec, ni de latin, ni de prof de français fait grec ou latin avec nous. Ça, il n'y a pas, chez nous, à l'heure actuelle, il n'y avait pas de grec et latin. On s'appuie sur des chiffres élitistes aussi, de dire, parce que c'est aussi des voies hein, que beaucoup choisissent, et pour dire que bon, on réduit les voies de réussite et d'élite. Non, c'est faux de dire que le grec et le latin étaient dans tous les collèges. On a 83 collèges dans l'île, je ne suis pas sûr qu'il y a 83 cours de latin qui sont dispensés. Mais là où le latin et le grec existent, est-ce que c'est une bonne chose de réorganiser l'apprentissage de ces matières ? Oui, c'est, pour moi c'est une bonne chose si ça s'appuie sur des bilans. Des bilans, à l'heure actuelle, si ça fonctionne, pourquoi l'enlever ? Bon, mais c'est pas enlevé. On le remet dans les EPI, qu'on peut mettre aussi en parallèle. On n'a pas obligation de faire que 2 EPI dans l'année. On peut faire 8 EPI. Rien n'empêche l'établissement, et c'est la notion de liberté pédagogique que M. Mottet a employée tout à l'heure. La liberté pédagogique est donnée à l'établissement. La notion d'autonomie, rien n'empêche un établissement de se dire « Nous, on va faire du latin et du grec. » il n'y aura aucune inspection générale, ni l'éducation nationale va dire non, vous enlevez latin et grec. Non, c'est donné dans les marges d'autonomie. Ce sont des choix d'établissement. Ce ne sont pas des choix de l'éducation nationale. L'éducation nationale nous a laissé la porte ouverte en nous disant faites. Vous avez un programme national, c'est ce que les élèves, tout ce que les élèves doivent maîtriser en fin de parcours. Maintenant, vous, vous choisissez ce qui est plus adapté aux caractéristiques de vos élèves, mais aussi à vos besoins, à vos capacités d'apport. C'est-à-dire, si on n'a pas de prof de latin et de grec, on ne va pas inventer un prof de latin et de grec non plus d'un collège. Chez nous, on n'en a pas. Donc, comment on va faire ? Alors, effectivement, il y a la possibilité d'approfondir l'apprentissage des langues anciennes. Une heure en classe de cinquième, deux heures en quatrième et troisième, ça suffit pas, Jérôme Mottet ? Ben non, parce que déjà, on a divisé quand même. Le une heure, il était deux heures, et l'autre, il avait une heure de plus chaque fois, au niveau suivant. Et en plus, maintenant, ils sont dépendants des EPI. Mais bon, le gag aussi, le manque de sérieux, et le côté bidon de tout ça quand même, c'est que la ministre, au début, avait retiré purement et simplement le latin et le grec, hein, qui existent quand même selon le conseil d'études de l'éducation nationale actuelle qui vient d'être mise en place, dans 93% en France des établissements défavorisés, enfin 93% des établissements défavorisés proposaient le grec. Donc vous voyez un peu, c'était ce qui proposait, ce qui permettait la mixité sociale. Mais bon, elle avait proposé simplement la suppression de ce latin et grec. Et ce qui s'est passé, c'est que par rapport à notre mobilisation, qui a été donc forte quand même pendant ces deux années, eh bien, elle est revenue en arrière, et aux critiques des pseudo-intellectuels, comme elle dit, elle est revenue en arrière, et elle a mis ça dans le fameux EPI, langue et culture de l'Antiquité, qui ne sera pas obligatoirement mise en place partout, cet EPI. Donc, il est conditionné à l'existence de l'EPI, et au début, on a dit, pour essayer de faire taire un peu la révolte, on a dit aux professeurs de latin, ne vous en faites pas, vous ferez ça avec les professeurs d'histoire, ce sera obligatoire, cet EPI. Alors qu'un EPI n'est pas obligatoire. Hein. Voyez, oui, il y a le choix entre... les EPI, donc je rappelle, c'est les enseignements pluri disciplinaire, c'est pratique, ça les, pratique interdisciplinaire, pardon. Et donc, à raison de deux EPI par année, c'est ça, à partir de la cinquième. Voilà, 6 obligatoires pour les élèves, mais pas notamment pour les enseignants. C'est là-dessus qu'on se bat et qu'on essaye, nous, de ne pas perdre ce temps précieux pour nos élèves. Mais bon, alors, elle était revenue en disant, vous travaillerez avec les profs d'histoire, vous ferez l'Antiquité. Hein, logique. Sauf qu'ils n'avaient quand même pas regardé qu'à partir de la cinquième, là où on fait les EPI, quatrième, troisième, enfin, la cinquième, il n'y a pas l'Antiquité. Pas dans le programme. Donc, quand même, alors, après, ils ont dit, bah, vous ferez du latin, du médiéval. Sauf que c'est une spécialité qui n'est pas celle, justement, des professeurs de latin qu'on apprend à l'université. Donc, vous voyez, on nage à vue, c'est brouillon, c'est scandaleux de traiter nos élèves et les enseignants comme ça à l'heure actuelle. D'ailleurs, moi, je vois vraiment une détresse que dont je dénonce les causes, hein, de la part des enseignants qui doivent assimiler la logique curriculaire. Et c'est le joli mot pour parler de nos programmes qui ne sont plus donc évolutifs. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Parce que c'est un mot qu'on a alors, entendu hier chez le recteur. C'est les fameuses compétences. Donc, vous revenez, vous repartez, vous faites des tours en rond. C'est comme un peu, c'est spiralaire aussi. Il parle ça aussi de spiralaire. Et vous passez, vous avez déjà traité quelque chose, vous revenez dessus, vous repartez, vous revenez, etc. Bon, vous êtes censé faire évoluer les choses comme ça en partant, en revenant, vous avez bien compris le but des choses, c'est qu'on ne puisse plus dire, vous avez vu aussi comment on stigmatise la note chiffrée, qu'on ne puisse plus dire, et le nouveau brevet des collèges d'ailleurs, on ne puisse plus dire donc que l'élève n'a pas de maîtrise. Alors voyez les enseignants qui commencent là cette rentrée, vraiment, moi je souhaite à toute la communauté scolaire vraiment beaucoup de courage, parce qu'ils doivent assimiler la logique curriculaire dont je vous parle, concevoir des enseignements complexes avec ces fameuses EPI et la refonte complète du programme. Ils doivent tout mettre en place sans cohorte sur tous les niveaux, avec en plus les nouvelles modalités d'évaluation, c'est-à-dire ne plus avoir accès autant à la note chiffrée. Alors, c'est quoi ces éléments sur la notation? Ça va changer, Jonathan Selambarom? Pour la notation, pour l'instant, les programmes sur l'évaluation, enfin les textes sur l'évaluation ne sont pas encore sortis. Donc, c'est pas clair aussi là-dessus. Pour l'instant, on a les éléments pour le brevet des collèges avec la notation de 400 points pour la partie sur les compétences et 300 points sur la partie terminale. Mais sinon, on n'a pas vraiment de directive sur la partie évaluation. Par contre, ce que moi j'aimerais insister pour le SGEN, c'est que le SGEN raccroche toujours l'école à la vie. Jamais on ne s'arrête pas, le troisième n'est pas une finalité. Pour beaucoup de syndicats, la troisième reste une finalité, le brevet des collèges. Le brevet des collèges est un examen, est une étape, on va valider des compétences, mais ce n'est rien un diplôme qui va permettre d'aller travailler et lire. On voit des jeunes avec le bac scientifique qui ne travaillent toujours pas, qui ne savent pas quoi faire. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Nous, au-delà des chiffres, au-delà des bagarres qu'on a ou des gadgets pédagogiques qu'on appelle comme on travaille avec des gamins, des enfants, des humains. On travaille avec ces personnes qui ont besoin, eux, justement, qu'on les prépare réellement à la vie. Et pas quand ils ont leur brevet, qu'est-ce qu'ils font? Nous, on veut préparer ces gamins au choix. On veut préparer ces gamins à l'orientation. On veut accompagner les parents là-dessus. Et ça, c'est très important. On oublie souvent. Le brevet des collèges, justement, prend un sens, prend un autre tournant, c'est-à-dire il validera des compétences et non plus simplement des notes. Avoir 20 son brevet des collèges, ça signifie quoi ? À l'heure actuelle, ça signifie quoi ? Alors, oui. On va faire une toute petite pause. La réforme du collège, c'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. Et vous rappelez les coordonnées 02 62 99 2000 pour le téléphone et 06 92 70 2000. Il semble qu'on ait quelques petites difficultés au niveau du téléphone, mais ne vous découragez pas. Alors, on a Marco, il va falloir, Marco, repréciser peut-être ce que vous dites, puisque on a reçu votre texto, peut-être en décalage, qui dit « Bonjour, je vous écoute, je suis pas d'accord aujourd'hui, l'échec scolaire est dû à ça ». Alors, il faudrait savoir à quoi que déterminer termine ce ça. Peut-être reprécisez-nous, Marco, renvoyez-nous un petit texto plus précis au 06 92 70 2000. J'aimerais qu'on aborde, puisqu'il nous reste 5 minutes, quand même la question de la deuxième langue vivante. On a beaucoup parlé du latin et des EPI. Jérôme Mottet, je sais que vous êtes vous-même enseignant d'espagnol. On parle d'une menace sur les deuxièmes, la langue vivante 2, alors que finalement, ce que met en avant le ministère de l'Éducation et puis le rectorat également, c'est le fait qu'on généralise l'enseignement de cette deuxième langue dès la cinquième, alors que ce n'était que quelques-uns qui apprenaient l'allemand ou l'espagnol en deuxième langue jusqu'à maintenant. C'est pas mieux finalement ? Non, c'était quelques-uns qui étaient, comme vous dites, enfin quelques-uns, à La Réunion. Je peux vous dire que le succès de ces classes était énorme. Mais c'est pas partout. Elles étaient plébiscitées. On parle quand même de notre académie. C'est pas partout. Je vous rappelle que la ministre a gardé 100% à Paris, comme par hasard, hein, de ces fameuses bilangues, et qu'elle en a supprimé plus de 70% à Caen, à Rouen, à La Réunion, on est à peu près à 40% de supprimés. Hein, bon, dans les collèges quand même du port, par contre là, elles existaient, hein, monsieur Salambarum, dans les collèges du port, de Saint-Benoît, de partout. Pourquoi vous parlez du collège du port en particulier ? Parce qu'il citait le collège du port où il n'y avait soi-disant pas de latin. Ouais. Sûrement parce qu'il n'y avait peut-être pas aussi assez de volonté pour faire du latin, parce que je peux vous dire que les élèves sont pas du tout, ne rejettent pas du tout cet enseignement. Mais bon, en tout cas, la langue à LV2, mais n'oubliez pas quand même qu'elle est proposée en cinquième, mais à hauteur de 2h30. Or, le fameux socle commun de compétences en langue, hein, la référence en langue depuis 2005, c'est une fréquentation assidue à la langue, une écoute quotidienne de la langue, une exposition très forte à la langue. Vous allez me dire qu'avec 2h30, c'est-à-dire une semaine à 2h, parce que tout est passé en demi, hein, donc je vous dis pas la complexité cette année pour organiser cette rentrée. Eh bien, les élèves vont avoir assez d'heures de langue, des semaines à 2h, des semaines à 3h, alors qu'ils avaient 5h, notamment, et 3h précédemment. Ils avaient plus d'heures. C'est pas tant rajouter en cinquième pour faire cet écran de fumée et essayer de faire taire les critiques qui a été intéressant. Parce que là, en plus, il y a la mise à mort de l'allemand, qui plus est, de l'enseignement de l'allemand. J'étais étonné quand vous avez présenté votre émission, vous avez parlé au contraire de l'allemand qui était, semblait être peut-être sauvé par cet enseignement. Mais au contraire, alors, vous savez, les collègues d'allemand dans beaucoup d'académies de France, notamment à La Réunion, sont obligés de se partager entre 2-3 établissements. Je vous dis pas aussi l'organisation de la rentrée. Il y a eu un nombre de cartes scolaires énorme. En plus du million sur la France, hein, supprimé en latin, d'heures supprimées en latin. Mais je veux dire, bon... J'ai retrouvé ce que je posais une question. Je demandais si généraliser l'apprentissage de l'allemand, si c'était une bonne idée. Marie-Hélène Dorn elle-même disait que c'était pas forcément une bonne idée de généraliser. Là où je ne vous comprends pas, c'est qu'il ne s'agit en aucun cas de le généraliser. Au contraire, je penserais plutôt de le mettre en danger, de le supprimer mais à terme. Mais en cinquième, il y a une généralisation pour les secondes langues. Vous savez très bien vivantes. Que l'appétence à l'heure actuelle va aller vers d'autres langues. Vous voyez, c'est pas se voiler la face que de dire ça. Il faut arrêter, comme disait Camille, est la part de, aujourd'hui de mal l'allemand... nommer les choses. Ce gouvernement passe sa vie à mal nommer les choses. Quelle est la part de l'allemand et de l'espagnol aujourd'hui ? Je ne l'ai pas en tête, mais elle est vraiment... Enfin, l'espagnol, à mon avis, dépasse de plus de 60% la part, si vous voulez. Mais bien plus. Mais je veux dire, vous voyez, c'est vraiment mettre fin à tout ce qui était pseudo élitiste. Alors, hein, de façon générale, on rentre dans le détail sur quelle langue, mais de façon générale, aujourd'hui, Jonathan Salambarum, il y a des élèves qui bénéficient des classes bilingues, qui apprennent donc une deuxième langue vivante, que ce soit l'espagnol, l'allemand ou une autre. Et là, on va l'apprendre à tous les élèves de cinquième. Donc pour vous, j'imagine que vous voyez ça d'un côté plutôt positif? Ben oui, on passe d'un pourcentage très faible à quasi à 100% cinquième. Bon, même si on perd une heure, bon, c'est vrai que mon collègue Jean Mété disait que c'est l'appétence pour l'espagnol qui va certainement faire que ben, les élèves iront plus vers l'espagnol que l'allemand. Et tout à l'heure, il citait la volonté par rapport au Collège du Port, justement, de ne pas aller vers le latin. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de l'enseignement de la langue, de changer les choses, de valoriser cette discipline pour créer cette appétence? Parce que je suis d'accord, peut-être le latin n'a pas marché chez nous, il n'y avait pas de volonté, mais peut-être aussi que l'allemand, si ça ne fonctionne pas dans certains collèges, peut-être qu'il faudra créer cette appétence. Chez nous, par exemple, notre collègue que je salue, au passage, il est submergé de demandes. Il a tellement de demandes que nous, on se dit, ben, comment on va faire? Lui, il a des heures supplémentaires, il n'arrive pas à gérer. Parce que peut-être qu'il crée justement un enseignement qui attire. Moi-même, en EPS, je vais essayer d'enseigner mon EPS en allemand. Donc, pour faire un EPI. Donc, je pense que cette réforme où on se perd, où on est choqué pour un rien, c'est la réforme de l'innovation aussi. On a peur d'innover, on a peur de progresser, on a peur de bouger. Et pour une fois qu'on laisse, le ministère laisse aux enseignants l'innovation, la possibilité de dire « Ok, on crée, on innove », on y va à fond. On passe d'un pourcentage très faible en bilingue et on a tous les élèves en cinquième qui auront une deuxième langue. Ben, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? C'est bénéfique. Au contraire, ces élèves seront baignés plus tôt, certes avec un faible volume d'heures, peut-être 2 heures au lieu de 3 heures, mais ils seront baignés plus tôt là-dedans. Et est-ce que vous regrettez malgré tout la disparition de 60% des classes bilingues finalement? Ben, on perd 60% pour en avoir 100% en cinquième. Voilà. Donc on perd une année pour 60% des jeunes. Ouais. Ils ne perdent pas parce que ces classes bilingues continuent cette année. Hein. Il n'y a pas l'annulation complète. Chez nous, par exemple, on a fait le choix de garder nos classes bilingues. Il n'y a pas de loi ou de police qui va débarquer dans un établissement pour dire vous avez fait quelque chose d'illégal. Vous pouvez continuer sur décision de conseil d'administration. On a gardé la cohorte d'élèves qui étaient en bilingue pour la terminer, pour ne pas sacrifier les élèves. On n'est pas là pour jouer avec des chiffres. Je rappelle vraiment, le SGENCFDT travaille avec des élèves, travaille avec des enseignants vivants, des êtres vivant. On ne sacrifie pas ces gens pour les chiffres. Merci à tous les deux. Ce sera le mot de la fin puisqu'on arrive au terme de ce débat sur la réforme du collège. Merci Jérôme Mottet, représentant du SNALC, et Jonathan Selambarom du SGEN CFDT. C'est dans l'actu. Demain, on va continuer à parler de la rentrée avec la question des fournitures scolaires. La liste est demandée en fin d'année et puis c'est à la rentrée, en ce moment même. Donc on voit si ça correspond, s'il faut des ajustements. Et puis ça touche la question du budget des familles également. Ce sera le thème abordé demain dans le débat du 12-13. Toute l'info à 13h sur Réunion Première, l'info nationale et internationale. Pour le moment, c'est Ingrid qui vous accompagne. Bon après-midi. Merci Philippe, à demain. À suivre en quelques instants, le journal des Jeux Olympiques. Ce sera juste après Pixel sur la première musique. Elle s'envole et elle n'est qu'éphémère. Elle nous vole avant qu'on la possède. C'est vrai que grâce à elle je persévère. Et il s'avère que sa saveur m'obsède. J'ai besoin d'être en sa compagnie. Elle m'aide et me soutient. Je ne suis rien sans elle, elle compatit à la douleur des miens. Elle sourit quand je pleure. Elle vit quand je meurs. Je ne suis qu'un pantin qui vit inconsciemment se leurre. Elle a le cœur sur ma main et je ne vais plus vous l'attendre. Son amour est à nous mais pas avant. Ils adorent, ils adorent s'en vanter. Ils ne savent plus à qui s'en prendre. Ce n'était que pour la gloire qu'ils ont emprunté. emprunté ce chemin sans savoir qu'il n'y boirait que du noir. En se remémorant toutes leurs histoires. Et c'est seulement quand on se ment que l'on se blesse tout doucement. Il n'y a rien à faire, on ne peut s'en défaire, on en a fait le serment. Et c'est souvent en l'écoutant qu'on se rappelle qui on est vraiment. Leur paradis est un enfer où ils trouvent la voie du démon si envoûtant. Elle a le cœur sur ma main et je ne vais plus vous l'attendre. Son amour est à nous mais pas avant. Ils adorent, ils adorent s'en vanter. Ils ne savent plus à qui s'en prendre. Elle est ma vie, ma vie, ma muse, ma, ma musique. Elle est ma vie, ma vie, ma muse, ma musique, ma muse. Elle est ma vie, ma vie, ma muse, ma musique. Elle est ma vie, ma vie, ma muse, ma musique. Elle a le cœur sur ma main et je ne vais plus vous l'attendre. Son amour est à nous mais pas avant. Ils l'utilisent à tort, ils adorent s'en vanter. Ils ne savent plus à qui s'en prendre. Celle sur la première musique. Handball féminin et masculin, athlétisme, voile, basket, tout ça, c'est dans le journal des Jeux Olympiques. Hola gente, le journal des Jeux. Fabrice Craig. Bonjour à tous. L'équipe de France masculine de handball en route pour rejoindre les demi-finales du tournoi olympique de Rio. Cela passe par une victoire en quart de finale aujourd'hui et les experts auront face à eux le Brésil. Une qualification à leur portée malgré l'hostilité annoncée du public. Les handballeurs français double champion olympique restent sur 4 victoires en 5 matchs de poule. Mais gare aux Brésiliens qui ont créé la surprise en battant la Pologne et l'Allemagne au premier tour. Pour le réunionnais Daniel Narcisse, meneur de jeu des Bleus, les choses sérieuses commencent. C'est une nouvelle compétition qui commence. La première partie s'est plutôt bien passée. On a réussi à atteindre notre objectif, c'est-à-dire de se qualifier pour les quarts de finale. Maintenant, ce sera une pression qui sera différente sur les épaules. Les ballons seront plus lourds. Il y aura beaucoup d'intensité, d'agressivité, d'engagement. Donc on a travaillé très dur pour arriver là, pour jouer ce match-là. Donc on va essayer de mettre toutes nos chances de notre côté pour espérer aller plus loin. Match à 10h ce mercredi, heure de Rio. L'équipe de France féminine de handball, elle, sera bien au rendez-vous des demi-finales. Après sa victoire époustouflante en quart de finale face à l'Espagne, menée de 7 buts à la fin de la première mi-temps, les Françaises parviennent à égaliser en fin de match 23-23 et s'imposent à l'issue des prolongations 27-26. Que du bonheur pour Lorisa Landre, pivot des Bleus, la Guadeloupéenne qui vit ses premiers jeux, nous explique le début de match de son équipe. Je pense qu'on est rentré en fait sur le terrain avec un énorme stress. Je pense que ça s'est vu en première mi-temps, on était vraiment stressés, on était c'était pas nous, c'était pas l'équipe de France qu'on a vue depuis le début. Et à la mi-temps, voilà, on a continué à y croire, on n'a pas lâché, même dans le vestiaire, les filles, on se disait, mais les filles, on peut encore le faire, alors que j'avais l'impression que les Espagnols pensaient que le match était déjà gagné. Donc voilà, moi, je suis fière de cette équipe et je suis fière de faire partie de cette équipe. Rendez-vous en demi, c'est bizarre de dire ça. Ouais, ça fait, ouais, ah, c'est génial. Bizarre peut-être, mais c'est une réalité. Les Françaises retrouveront sur leur route en demi les Pays-Bas, une équipe qu'elles ont battue lors du premier tour. Mais les Pays-Bas avaient battu, rappelez-vous, les Françaises en Coupe du Monde. Médaille de bronze pour Dimitri Bascou en finale du 110 mètres haies, une finale remportée par le Jamaïcain Omar McLeod en 13 secondes 05. L'Espagnol Orlando Ortega termine deuxième avec un chrono de 13-17. Le Martiniquais Dimitri Bascou prend la troisième place avec un temps de 13-24. Satisfaction de Dimitri. C'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Et voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotions avec cette finalité. Voilà, c'est une consécration de beaucoup d'années. Voilà, il n'y a même pas de mots pour dire tout ce que j'ai mis en place pour arriver à ce résultat-là. C'est une médaille de bronze olympique aujourd'hui et je vais la savourer comme il se doit. J'aurais pu forcément l'écrire d'une autre façon, mais cette façon-là d'aujourd'hui me correspond et me satisfait. Et voilà, je me contente de ça, surtout que cette année, je ramène deux médailles à la France, une médaille champion en tant que champion d'Europe et maintenant une médaille de bronze olympique. Et voilà, je vais vraiment pas... me plaindre de cette saison-là. Notons la quatrième place de l'autre Français de cette finale, Pascal Martineau-Lagarde. Pas de médaille en métal, mais on pourrait leur attribuer la médaille du courage aux Polynésiens Billy Besson et Marie Rioux pour l'épreuve de voile de ces Jeux Olympiques de Rio. L'équipage français, engagé en Accra 17, a terminé cinquième de la finale avec 93 points, ce qui place Besson et Rioux sur la sixième marche du classement général. Pas de distinction officielle donc, mais une prouesse tout de même, car le Polynésien s'est trouvé fortement amoindri par une hernie discale. Il nous dit comment il a pu passer plus de 3 heures par jour sur son catamaran. La position sur le bateau était mieux pour moi que la position à terre, même actuelle. Donc sur le bateau, j'étais beaucoup mieux en tout cas, physiquement et même mentalement. Parce qu'au-delà de ça, la semaine était aussi dure à terre, c'est-à-dire à rester une semaine au lit, à manger au lit, à faire tout à plat. C'est assez dur. Mais c'est pour ça que c'était plus une délivrance d'aller sur l'eau pour moi. C'était même mieux. Et donc, je suis vraiment content d'y être allé en tout cas. Et toujours en voile, Noé Delpech s'est qualifié pour la course aux médailles qui aura lieu ce jeudi. Avec son coéquipier Julien Dortoli, le Réunionnais se classe sixième au général, malgré 3 dernières régates moyennes ce mardi, finissant 17e, 9e et 14e. Et puis c'est tout chaud, les basketteuses françaises sont en demi-finale du tournoi olympique. Les Martiniquaises Sandrine Gruda et Marielle Amand, ainsi que leurs coéquipières, viennent de battre le Canada 68-63. Satisfaction de Sandrine Gruda, 14 points et 10 rebonds dans ce match. Ainsi s'achève cette édition. N'oubliez pas que l'info se poursuit sur lapremiere.fr. Bonne journée à toutes et à tous. Rendez-vous demain à 1h moins le quart pour un nouveau journal des Jeux Olympiques. Comme hier, du vent et de la houle. Bulletin météo complet après le journal de France Info à 13h. D'ici là, voici Ticoc Velay sur Rayon Première. Laisse pas nous causer. Nous la méritons. Ôtez, laisse à qu'à nous tranquille, t'es sans nous causer, ça t'est nous tracé égalisé. Et donne à nous un place pour dire les paroles, arrête, dis-nous les pas capables. Et à nous rase pas nous-mêmes, nous les pas primoles, notre sommet ça nous-mêmes y trace. Extrait de son nouvel album, c'était Ticoc Velay sur la première Laisse pas nous causer. Depuis lundi, on vous propose de nouveaux rendez-vous entre 13h et 14h, le zapping de Jackie à 13h20, l'invité de la matinale en rediffusion si vous n'avez pas pu l'écouter à 7h15. La rediffusion se fera à 13h30 et puis bien sûr, votre rubrique numérique Connect Première avec Pascal Rizzo et vos avis et communiqués, tout ça juste avant 14h. Le retour de l'information, c'est tout de suite avec France Info, il est 13h. À l'heure d'un nouveau journal, Virginie Salançon, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. François Hollande rencontre le pape cet après-midi, 3 semaines après l'assassinat terroriste du père Jacques Hamel. Le président de la République veut resserrer les liens avec le Vatican. Pendant ce temps à gauche, les candidats à la primaire se déclarent les uns après les autres. Dernier en date, Benoît Hamon. De quoi désoler le porte-parole du Parti communiste. Il rêve d'une union de toutes les gauches pour la prochaine présidentielle. La Californie en feu. L'ouest des États-Unis est frappé par une sécheresse historique. Hier, un nouvel incendie a forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir. Dans ce journal, un mot de sport avec les JO, bien sûr, et un succès phénoménal, celui des athlètes britanniques, à croire que God Save the Queen est devenu l'hymne olympique. C'est au nord qu'il fait beau aujourd'hui dans les Hauts-de-France, la région parisienne, le centre. Quelques pluies sur la pointe bretonne et un ciel par moments nuageux pour les autres. 25 à 33 degrés au plus chaud de la journée, du nord au sud. La météo complète après le journal. France Info. Virginie Salançon. François Hollande est donc au Vatican aujourd'hui. Le président de la République sera reçu en audience privée par le pape François. Ce sera aux environs de 17h. L'Élysée a souhaité cette rencontre. C'était après l'assassinat du père Jacques Hamel le 26 juillet dernier, Julie-Marie Lecomte. Leur dernier rendez-vous, le seul du quinquennat, c'était en janvier 2014. Il s'était déroulé dans un climat radicalement différent, une visite d'État tendue après l'adoption du mariage pour tous. Mais son entourage le raconte volontiers.